one program. Un petit proverbe connu. Yes, il s'agit de pas vendre l'ours, de pas vendre sa peau, de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Yes, man. Yes, AM. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non. On vend pas la peau de l'ours. Non, non, non, non. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non. On vend pas la peau de l'ours. On met dans la charrue avant les bœufs. Serons-nous sérieux? Ferons-nous des envieux en passant pour des imbéciles? Ferons-nous des envieux? Nous dansons pas plus vite que la musique, non. Au restant concentré sur la rythmique. Faut que les choses se fassent de façon méthodique. Où la rigueur sait faire des choses magiques. Quand on vend pas la peau de l'ours. On vend pas la peau de l'ours. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On vend pas la peau de l'ours. Non, non, non, non, non. Non, faut pas faire ça. Vend pas la peau de l'ours. Non, non, non. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Yeah, c'est un message que maman, papa nous ont appris. Rappelle-toi, man. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non. On vend pas la... Non, non, vend pas. Vend pas. Vend pas. Vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Yeah, c'est un seul conseil que je peux te donner, man. Mets jamais la charrue avant les bœufs. Tue l'ours avant de vendre sa peau. Si tu veux pas passer pour un idiot. Yes, aïe. C'est ça la partie civile. Du bon sens, man. Prends-le et réfléchis avec. Yes, aïe. On vend pas la peau de l'ours. Non, on vend pas. J'espère que je te l'aurai assez dit, man. Yeah. Yes, I am. Wagwan. Yes, I am massive, partie civile en vivant et en direct. Yes, gros, I am. Big merci, up, man. Les gars. Merci, Momo. Fait le maximum. Et ça aurait été avec plaisir. Yes, I am. Yes, big up en tout cas, partie civile. C'est dans les bacs en téléchargement maintenant. Yes, aïe, merci. C'est ça, on est en 2000 maintenant, c'est ça, c'est téléchargement, c'est sur le net, c'est facile à trouver. Partie civile sur le net et voilà, ça glisse. Quoi. Partie civile, tape-le, le parti, tape-le avec un Y et tu arriveras direct sur ce qu'on fait, man. Voilà, c'est simple. Yes, aïe. Merci en tout cas pour la vibes, Momo. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur vos ondes. Yes, nous on big up le reste du groupe qu'on n'a pas vu. Ouais. S'ils sont à l'écoute. Ils sont tous là. Voilà, la prochaine fois, la porte elle est ouverte pour tout le monde. La prochaine fois, on viendra avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça peut faire beaucoup de monde. En tout cas, merci les gars. Nous, on va continuer avec,